fantasme qui te saoule avec ces histoires de meufs. Allez, c'est parti, on tabasse. J'suis pas là pour être poli, plutôt pour parler de connasse et de la Star Academy. Mes lyrics sont pas très fines et mes rimes pas très subtiles. C'est pas grave, je persévère, je reste tranquille, je reste pépère. Serein face à la critique, continue de faire ma musique, même si ce n'est pas très beau et j'peux attendre pour la radio. J'balance mon style dégueu. J'balance mon style dégueu. J'balance mon style dégueu. Ouais, ouais, ouais, ouais. J'balance mon style dégueu. J'balance mon style dégueu. Écrit en 3 minutes, réalisé pour celles et ceux qui, comme moi, luttent pour trouver des putains de paroles sans avoir l'air d'un mongol. Je crois que c'est pas encore gagné, mais ma foi, je vais continuer. Je refuserai pas un peu d'aide pour plus me ridiculiser. On va dire que je suis trop raide, mais continuons à balancer. J'balance mon style dégueu. J'balance mon style dégueu. Pas de quartier, ni de vieille histoire de vie, tout ça j'en ai rien à branler. Je préfère qu'on parle vite. Non, moi je suis un vieux foulard, réputation de connard. Je sais bien que je suis tricard, encore une histoire des bars. Allez, fais moi jouer au con, et trop faire le fanfaron. Mais que vous voulez, je suis comme ça, et c'est comme ça que ça restera. Ah, balance ton style dégueu. Balance ton style dégueu. Balance ton style dégueu. Ouais, ouais, ouais, ouais, balance ton style dégueu. Balance ton style dégueu. Pathétique, tu penses t'aurais pu faire mieux, être un petit peu plus caustique ou bien rendre les gens heureux avec une jolie histoire qui parle d'un amour impossible ou des scandales en Afrique noire qui sont plus qu'inadmissibles. Bah désolé, c'est pas ma cam, moi ce que je fais c'est du pourri. La prochaine parlera de femmes et je ferai un effort de poésie. En attendant, j'ai terminé sans avoir ma voix aux yeux et continuer de balancer quoi, mon style dégueu. J'balance, balance mon style dégueu, balance mon style dégueu. Balance ton style dégueu. Balance ton style dégueu.